John Oakenfield était un cow-boy qui vivait comme un loup solitaire. Il chevauchait les mille déserts en allant à la vitesse de l'éclair. John Oakenfield, des bottes en cuir, un pantalon marron, une chemise noire, un manteau délavé, un foulard bleu, deux pistolets, un vieux chapeau et un grand lasso, une petite barbe et une montre à quartz. Un jour il entendit qu'un indien avait tué son cousin. Oh mon Dieu! Il partit aussitôt au nord-ouest pour passer la montagne et pour buter l'enfoiré qui avait osé tuer son cousin qu'il aimait tant. Passer la montagne, il rencontra face à lui un jeune et bel indien. L'homme que tu cherches n'est pas un indien, mais c'est un rabbin. T'as vraiment rien compris, toi, dit le petit indien. Mais John, qui avait l'impression qu'il le prenait pour un con, le buta. Le père de l'indien déboula, le regarda et l'insulta. Arriva. Et seul John Woo pouvait mettre en scène un assez bon duel pour nous mettre en haleine. Le père de l'Indien et John Oakenfield allaient s'affronter. Ce jour-là, il faisait une chaleur pas possible. Légiste, on dit que de toute façon, il couvrait un cancer et qu'il n'aurait pas tenu plus d'un mois. À l'autopsie, ils ont retrouvé la balle avec une inscription dessus. Mais ils n'arrivaient pas à la lire, alors ils ont jeté la balle. En tout cas, on peut dire que John Oakenfield a vécu comme un chien délaissé et qu'il méritait bien le repos éternel du cow-boy solitaire.